الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إنكم قد دخلتم أحد الأشهر الأربعة الحرم المعظمة، ألا وهو شهر الله المحرم، فاستدركوا فيه ما وقع من تقصير فيما مضى من العمر، واحذروا أن تظلموا أنفسكم فيه وفي غيره من الأشهر الحرم بالشركيات والبدع والمعاصي، فقد زجركم ربكم عن ذلك، وقال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وبينها النبي صلى الله عليه وسلم: السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. ويستحب أن يصام معه يوم قبله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه مسلم. قال قتادة رحمه الله: العمل الصالح أعظم أجرا في الأشهر الحرم، والظلم فيهن أعظم من الظلم فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، chers serviteurs d'Allah تبارك وتعالى، vous êtes entrés dans l'un des mois sacrés, l'un des 4 mois sacrés qui ont une place énorme dans la religion musulmane. Ce mois est le mois de Al-Muharram, qui est le premier mois du calendrier musulman. Repentez-vous et vérifiez vos propres personnes. Comment avez-vous agi durant les moments de votre vie et les manquements et les négligences qui s'y trouvent? Méfiez-vous d'être injuste envers vos propres personnes durant ce mois et les autres mois sacrés. Que les déviations et les péchés fassent partie des actes de polythéisme, d'innovation ou de péché. Car votre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, vous met en garde contre cela. Il nous dit, élevé soit-il dans le sens du verset, certes, le nombre de mois dans l'année auprès d'Allah est de 12 mois. Dans le livre d'Allah, le jour où il a créé les cieux et la terre, parmi ces mois, 4 sont sacrés. Voilà la religion de droiture. Ne soyez pas mauvais envers vous-même. Ne soyez pas oppresseurs envers vos propres personnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a bien clarifiés, ces mois sacrés, lorsqu'il nous dit dans son hadith, alayhi salatu wa salam, l'année comporte 12 mois. parmi lesquels quatre sont sacrés, trois qui se suivent, qui sont Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja et Al-Muharram. Et puis il y a aussi le mois de Rajab, Rajab Mudar, qui entre Jumada et Sha'ban, apporté par Al-Bukhari et Muslim. Et d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le meilleur jeûne après celui de Ramadan, c'est le jeûne du mois d'Allah, Al-Muharram, rapporté par Muslim. Et d'après Abu Qatada, radiallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le jeûne du jour de Ashura, c'est-à-dire le dixième jour de Dhul-Hijja, qui viendra jeudi prochain, Inch'Allah. J'espère d'Allah, j'ai confiance en Allah, que le jeûne de ce jour effacera, expiera les péchés d'une année passée, rapporté par Muslim. Et il est recommandé de jeûner un jour avant le jour de Ashura. Donc en l'occurrence, ici, le mercredi et le jeudi prochain, Inch'Allah. D'après Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je suis vivant l'année qui vient, je jeûnerai le 9e jour, rapporté par Muslim. Qatada rahimahullah a dit, les bonnes œuvres ont plus de récompenses durant les mois sacrés et les péchés sont plus énormes durant les mois sacrés, bien que le mal et le péché est considéré comme un mal et il est mauvais en tout état, c'est-à-dire en toute époque. Allahumma ruddana ila dinika dhal jamila. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tub 'alayna innaka at-tawwab ar-rahim. Wafiqna Allahumma lima tuhibbu wa tardah. Wa sallallahu wa sallam wa barak 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhan rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله